cette semaine à Assemblage Requis. On parle du nouveau maxi de la Patère Rose. On discute des aventures sur la route de notre ami Kiwan. Et on critique le nouvel album de Rara Riot. C'est à Assemblage Requis, jeudi 15h ou samedi 16h.